La première fois en France. Les amis sont là, ils sont en face de nous. Ils nous écoutent. Pourquoi? Car nous reconstruisons le groupe. Pour la première fois en France. One, two, three, four. J'allais voir un petit gars qui veut produire mon disque. Parce que moi, j'avais pas de thunes. Je voulais pas prendre de risques. Bon, je lui chantais des chansons. Il me regardait, t'as l'air trop deg. À le voir, j'aurais dit que je chantais comme un mec. Pour la première fois en France. Je ne sais pas ce que j'aime chez toi, mais je sais au moins ce que j'aime pas. Pour la première fois en France, quand même, grâce à nous, heureusement, il y a Trunel. Ouais, c'est vrai, ça c'est un truc qui me donne des ailes. Je trouve. On fonce à la Fnac. Chut, pas de pub. Ah, s'il te plaît, c'est quand même le seul CD gratuit rempli de tubes. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Pour la première fois en France. Yeah, son chien. Toujours à la même heure. Les gens qui portent ici. Pour Bruges ou pour ailleurs, on n'est pas les IF, nous on a logis. Pour la première fois en France, c'est le milieu du bel-être. Oh, le milieu, tout le monde est trop content, comme des beaux, c'est vraiment trop génial, trop génial. Ah bah non, en fait, c'est nul, comme des beaux. Pour la première fois en France. Mais ça y est, j'en ai assez. J'en ai marre, je vais tout casser. Dire à mon directeur que ça serait le bas du beurre. J'en ai marre de cet endroit où je n'ai pas le choix d'exprimer mon avis. Sous deux autres choses, je suis plus. Oh là là. Oh. Pour la première fois en France. Et je chie. Comme d'habitude, c'est trop la merde. Et je chie. C'est pas de ma faute à moi. C'est ma façon d'être. C'est ma façon d'être. Pour la première fois. C'est ma vie. Je vous emmerde en tant de vos pour la première fois en France, tout a commencé. Rootsman, on était motivé au Zion. On m'a fait choisir un sujet Rastafarian. Mais c'est ce qu'on croyait en Babylone. For the first time in France. Parce que c'est vraiment trop génial. D'être musicien à l'école. Pour la première fois en France. Pour la première fois en France. Découpe la vie pour nous permettre d'être plus stable. Le présent est ambigu, le reste est déjà perdu. Pour la première fois en France, pour la première fois en France que l'histoire était belle. Pour la première fois en France, mais cette fois c'est fini.